révolution, une société préfabriquée. Et voilà consécration, on est tous des assistés. On a formé des ingénieurs, ils s'y sont mis avec ardeur. Ils sont devenus fous bâtisseurs et n'ont pas pris garde aux vapeurs. Et font, font le glaçon, la terre crève, on est con. Et font, font le glaçon, y a-t-il une solution? Et font, font le glaçon, la terre crève, on est con. Et font, font le glaçon, y a-t-il une solution? Et c'est la faune, première personne. Derrière la flore qui s'évapore, de la main de l'homme, le monde agonise. Son cri résonne quand fond la banquise. Et fond, fond le glaçon, la terre crève, on est con. Et fond, fond le glaçon, y a-t-il une solution? Et fond, fond le glaçon, la terre crève, on est con. Et fond, fond le glaçon, y a-t-il une solution? Ça y est, voilà la solution, triter poubelle, papier, carton. Partager nos voitures, rendre saines nos cultures, pendant que dans le monde, yacht et jet font des rondes. Les guerres écologiques se font à sens unique. Et font, font le glaçon, la terre crève, on est con. Et font, font le glaçon, y a-t-il une solution? Et font, font le glaçon, la terre crève, on est con. Et font, font le glaçon, y a-t-il une solution? Déchets radioactifs enterrés, ça suffit. Nous sommes les seuls fautifs, on aimerait gérer la vie. Toutes ces générations qui n'ont rien demandé sont la manifestation d'un monde lapidé. Une terre saine, un monde propre, c'est pas de veine, c'est pas de nôtre. Une terre saine, un monde propre, c'est pas de veine, c'est pas de nôtre. Et fond, fond le glaçon, la terre crève, on est con. Et fond, fond le glaçon, y a-t-il une solution? Et fond, fond le glaçon, la terre crève, on est con. Et fond, fond le glaçon, y a-t-il une solution?